بسم الله الرحمن الرحيم الآن سنخوض المسألة 64 64 مسألة يقول لي تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لو أعذبه أحدا من العالمين que Allah عز وجل dit certes je la ferai descendre c'est-à-dire la Al-Maïda la table servie sur vous et celui qui m'écroira après cela parmi vous alors je le châtierai d'un châtiment dont je n'ai jamais châtié personne dans l'univers. Sourate Al-Ma'ida, verset 115. Et là, c'est le dernier verset que nous prenons dans cette sourate avant de rentrer dans l'An'am. Dernière mas'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Hadhihi al-ayatu al-karimatu tadullu ala anna ashadda an-nas 'adaban yawm al-qiyamah man kafara min ashab al-Ma'ida. Donc là, ce verset, dans son apparence, laisse entendre que les gens qui auront le pire des châtiments, yawm al-qiyamah, ce sont ceux qui ont mécru parmi les gens d'Al-Ma'ida, de la table servie. وَقَدْ جَا فِي بَعْدْ آيَاتْ مَا يُهِمُ خِلَفْ ذَلِكَ Et dans d'autres versets, il est venu, ce qui laisse apparaître le contraire de cela. كَقُولِهِ تَعَلَى إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ Certes, les munafiqoun, les hypocrites, seront dans le degré le plus bas de l'enfer. An-Nisa, les fameux versets 145. وَقُولِهِ وَيُمَ تَكُمُ السَّاعَ أَتْخِلُوا أَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ Également la parole où Allah dit, dans le sens, et le jour où l'heure aura lieu, faites rentrer les suiveurs de Pharaon, les gens de Pharaon, au pire des châtiments. Ghafir, pardonneur, verset 46. Donc là, on a comme un effet de contradiction. قال والجواب أن آية أدخلوا آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافة بينهما. لأن كل من آل فرعون والمنافقين من أسفل دركات النار في أشد العذاب وليس في الآيتين يدل على أن بعضه أشد عذابا من الآخر. Donc les deux versets qui dit de rentrer les gens de Pharaon et par rapport aux munafiqin qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux. Car les deux, les gens de Pharaon ainsi que les munafiqin, seront au degré le plus bas de l'enfer et dans le pire des châtiments. Il n'y a rien qui montre que l'autre aura un châtiment pire que l'autre. Ça veut dire les deux auront le pire. Et rien n'empêche qu'il soit communément châtié dans un châtiment et un nid semblable, et qu'il soit le pire des châtiments. وَمَّا قَوْلُهُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ الْآيَا فَيُجَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ Donc par contre, par rapport au verset qu'on a pris aujourd'hui, le Ma'ida, c'est-à-dire que je châtierai celui qui m'écroira après avoir vu la table servie, il dit on y répond de deux façons. الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا قَوْلَهُ بْنُ كَثِيرٍ أن المراد بالعالمين عالم زمانهم وعليه فلا إشكال ونظيره قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين كما تقدم. Donc là, première réponse, celle qui a été choisie par Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que le sens voulu par العالمين, c'est-à-dire l'univers, le monde, c'est le monde de leur époque. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème par rapport à ça, par rapport aux versets. Et cela est semblable, équivaut à la parole d'Allah dans le sens où il dit et certes, en parlant des Bani Israël, je vous ai préféré à tout le monde. C'est-à-dire, je vous ai préféré dans l'univers. Ça, c'était quand? C'était leur époque. Avant que ne vienne la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on avait assisté la mas'ala auparavant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Première réponse. Deuxième réponse. Ma qalahu al-ba'd min anna al-muradu bihi al-azab al-dunyawi al-lazi wa mas'ruhum khanazir. Et d'autres, ils ont dit que le châtiment voulu par là, c'est le châtiment en ce bas monde, du fait qu'ils ont été transformés en porcs. قال ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أنه قال رضي الله عنه أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. Et cependant, il y a un hadith qui démontre que le châtiment voulu ici, c'est le châtiment de l'akhirah, d'après la mort, et non pas de ce bas monde. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit,